l'agonie, livre 2, chapitre 19. Ouvre vite, Yannitor, quelqu'un a frappé. Peut-être Attilia ou Attilius ou Gaël, hier encore ici, qui n'a pas voulu aller au cirque avec les autres chrétiens, me disait-il. Le Yannitor se leva. La porte glissa pesamment et, dans le trou de lumière qu'elle ouvrit, passèrent vivement Attilia et Abarra. Madée recula en voyant Attilia voilée de la palla de l'Éthiopienne et le bas de ses vêtements souillés de poussière et de boue. « Tu es venu sans litière et des hommes insolents ont essayé de te violenter, » dit l'affranchie à la jeune fille qui répondit. « On s'est tué tout hier et tout ce matin dans la ville, et avec Abarra je me suis sauvée. Je viens te voir, toi qui vis à l'abri de tout. » Et elle lui prit le bras. Et Attilius, ah, mon frère, avec la cavalerie, a écrasé la rébellion. Tu ne vois donc rien? Aucun bruit ne t'est parvenu? C'était bien vrai. Depuis une année, Madée avait été tenue à l'écart, sortant peu, emmenée rarement à la vieille Espérance, presque claustrée dans cette maison qui le voyait se traîner de sa chambre à l'atrium. Heureusement, Gaël et Attilia lui étaient restés. Celle-ci emplissant sa vie de rires et de jeux, celui-ci lui parlant du pays syrien qu'il évite enfant. Attilius aurait bien voulu lui défendre Attilia, et ses reproches de n'avoir point eu connaissance des visites de sa sœur lui furent d'une singulière amertume. Mais Madée lui avait répondu avec tant de douleur qu'il s'était tu, lâche comme toujours pour son affranchi. « Si tu m'arraches, Attilia, avait dit Madée, que vais-je devenir? Tu me gardes parce que tu m'aimes, mais si tu m'aimes, ne me fais pas mourir d'ennui. Gaël est ma joie, mais Attilia est mon ravissement. Avec eux, je puis vivre une éternité ici. » Et Attilius avait fermé les yeux, croyant Madée trop insexualisée pour prendre feu au contact de sa sœur, encore une enfant, sûre de le retrouver doux, bon et soumis. Cependant, des éclairs de jalousie le prenaient quelquefois, sans qu'il se l'avouât, à voir Madée qui, depuis quelques mois, semblait prendre une apparence robuste, comme s'il se fût dévêtu de sa féminité au profit d'une masculinité se faisant corps en lui. Et il redoutait le moment où l'adolescent, devenant homme, tout à coup se révolterait, ou bien le subirait simplement, mais avec l'hypocrisie en plus d'un affranchi qui se rattrape ailleurs. Alors des images terribles dansaient sous ses yeux. Des images de castration de Madée, qu'il songeait à tuer entièrement dans son sexe pour être sûr désormais de son corps. C'était toujours, dans l'atrium, le paon, le singe et le crocodile, qui les virent, Attilia comme un homme, le bras à la taille de Madée, lui entraîné par elle au hasard, très heureux de sa venue, de ses rires et de ses propos. Elle lui retraçait les incidents du grand cirque, la fuite des lagabalus, les rixes, le sang coulant, les cris des blessés et des mourants, et la vaillance d'Attilius, toujours frappant à la tête de la cavalerie, dont les charges avaient semé Rome de cadavres. Une chose la frappa. Les dangers courus par Attilius ne l'émouvaient guère. Rien qu'une espèce de curiosité lui fit demander de ses nouvelles. Cela était même si extraordinaire qu'elle ne put s'empêcher de lui dire « Quoi? Tu ne l'aimes donc pas, Attilius, que tu n'en es pas ému ?» Il ne répondit pas, évidemment, distrait par quelque chose qui se passait en lui, transfigurant sa physionomie, faisant briller son regard et trembler ses mains. Elle le regarda. Il y a une année, il était aminci, gracile et chancelant, sa face s'amaigrissait, ses yeux avaient de profondes lueurs d'être qui se meurt obscurément. Cette déchéance de santé, dont Gaël fut frappé, l'avait également secoué. Maintenant, il paraissait vigoureux et fort, quoique l'ancienne nature se trahît encore à l'incertitude de ses démarches et à la douceur de sa voix. Alors elle retira son bras, marcha à ses côtés, légèrement inquiète. Du péristyle, ils revinrent au tablinum, errant sans savoir et parlant peu. La chambre de Madé s'ouvrait, calme, avec son lit aux étoffes pourpres, son ameublement coquet de bronze, d'onyx, d'ivoire et de thuya, d'où des senteurs flottaient. La franchie l'y fit entrer. « Viens te reposer, lui dit-il, tu me raconteras encore des histoires. J'ai bien besoin que tu m'aiguais. » « Oui, adolescent, s'exclama-t-elle, essayant de rire, mais vainement. Madé lui causait une peur secrète. Quoiqu'impudique d'imagination, quoiqu'impudique des yeux par tout ce qu'elle avait vu et des oreilles par tout ce qu'elle avait entendu, elle était encore vierge et elle se trouvait au seuil d'un engloutissement de sa virginité. Telle lui fut la sensation de Madé. Un froid aigu la traversa, mais la franchie lui prit la main. « Que t'ai-je donc fait? As-tu peur de moi ?» Elle entra, à la fois à poltronnie et chatouillée. Des portes se fermaient autour d'eux. Les esclaves erraient en causant discrètement. La voix du Janitor répondait à celle d'Abara. Ce grand silence de la maison fit dire à Attilia « Eh quoi, tout est tranquille ici. Tu n'as donc pas entendu les bruits de la bataille d'hier et de ce matin ?»« Nous sommes au bout de l'Empire, » répondit Maté, « mais la chose vaut mieux. Au moins ici, rien ne nous trouble, et je me suis fait à ce silence, à la condition que tu viennes le rompre de temps en temps. Même avec Gaël ? Même avec Gaël. Même avec mon frère. » Madé se tut. Ils se regardèrent bien dans les yeux. Enfin, Attilia, « Tiens, tu as les yeux très beaux, mais tu m'effraies. Allons au jardin. » Il la tira vers le lit, évidemment allumé comme un serpent qui, sortant de sa léthargie hivernale, se désenlace peu à peu à la chaleur. Elle s'assit à ses côtés. « Nous sommes bien ici, est-ce pas ?»« Oui, nous sommes bien. » Ils rirent légèrement. Attilia fit tout à coup. « Surtout que mon frère ne croit pas que je le veuille remplacer. Je l'imagine jaloux, Attilius, jaloux de toi qui l'aimes tant. » Madé se leva. « Je m'ennuie bien, mais que serait-ce si tu n'étais pas là ?» « Il te resterait mon frère ?» Elle le poussait à avouer ce qu'il était pour Attilius, très friande de détails, avec des mots salaces sur la bouche. Sa première peur s'envolait, ses gamineries renaissaient, aussi ses hardiesses de gestes. Elle saisit Madé à son tour, le força à se rasseoir et s'appuya à lui, tout un côté de son corps sur son corps. Il prit sa mitra qui l'embarrassait, la jeta nerveusement et secoua sa tête aux cheveux crêpés, parfumés et luisants. « Restons ici, il fait bon ensemble. » Leurs mains erraient, avec des frémissements, le long de leurs jambes, autour de leur taille, faisant monter à leurs reins une chaleur qui les tenait tout trépidants. Celle d'Attilia pesa sur Madée, qui eut un éblouissement. « Non, arrête-toi !» Il la serra fortement, mais il devait avoir un air étrange, car sa peur de tout à l'heure revint, avec, en plus, la secousse imprimée à ses chairs par ses attouchements. Elle se leva à son tour, désireuse à la fois de partir et de rester. « Nous devrions aller au jardin. Je parierais que je cours plus vite que toi. » Et elle disparut dans l'obscurité du tablinum. Madée la rejoignit. Ils restèrent ainsi quelques minutes, et le frémissement de la stola d'Attilia et le froissement de la robe flottante de Madée, touchant à même sa peau, faisaient un bruit sec d'étoffe qui les enivrait. La masculinité de l'affranchie crevait, formidable, lui donnant une exacerbation des nerfs, une chaleur des chairs, et ce n'était plus maintenant le bel et languissant Syrien, voué à la pierre noire, mais un homme dont l'entière musculature vibrait au toucher féminin. Encore Attilia s'effraya, car elle ne se sentait point femme, mais plutôt éphèbe. La passion n'allait pas encore directement à son sexe, à demi développé, n'effleurait que sa peau en chatouillement délicieux. L'acte dont elle avait la connaissance purement spirituelle lui était une violence et une grossièreté. Elle aurait voulu simplement rester là, à se caresser des mains. Aussi, sous le coup de souvenirs lui revenant subitement, « Tu te rappelles, Sémias, qui, un jour que j'étais nue à me regarder, me caressa comme toi? Restons ici, adolescents, il fait si bon ainsi. »« Nue? C'est nue qu'elle te caressait ?» s'exclama Madée, et ses mains soulevèrent la stola, ardente. Le toucher de ses mains fit pousser un petit cri à Attilia, qui encore échappa. Mais il la poursuivit, et comme ses yeux avaient une sauvagerie, sa voix une rossité inconnue, elle se débattit. Maintenant, Madée, comme sous un coup de sexe furieux, s'était dévêtue, et, tout nue, avec seulement ses sandales attachées très haut, comme celles d'une femme, il lui criait de s'approcher, courant après elle, pendant que les esclaves, apparus un moment au bruit, se sauvaient, et que le Janitor, retenu par Abara, se lamentait. « Oh, s'il le sait, le Primicerius, il me jettera au crocodile. Au moins, toi, ne le lui dis pas, je serai perdu. » Mais Attilia s'esquivait encore, revenant de l'atrium au tablinum, fuyant vers le péristyle, toujours poursuivi par Madée, nu. Sans honte, il l'invitait à s'unir à lui. Elle se refusait, affolée de cette poursuite insensée qui les fit traverser toute la maison, jusqu'à l'atrium où ils revinrent à nouveau, roulant, pantelant, lui sur elle, en une commune nudité. Sans ménagement, l'acte eut lieu. Et ce fut moins une libre copulation qu'un viol, qui s'acheva dans la douleur d'Attilia, toute saignante, et la satisfaction sauvage de Madée, allégée du flot de vie de sa récente masculinité.